بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فخيرنا الله عز وجل. Nous sommes au 28e cours autour de ce livre de Cheikh Najmi حفظه الله تعالى، qui est la source délicieuse et abondante dans la critique de certaines voies de la da'wa et de certaines croyances. Et nous sommes toujours à la 8e critique, qui est une critique qui concerne le fait de déléguer le sens, la signification des attributs d'Allah Azza wa Jal. Vous avez vu hier, selon les textes que nous a écrit Cheikh Najmi Hafidhahu Allah Ta'ala, et qu'il a pris de Cheikh Ibn Taymiyyah, du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah Rahmatullahi Alayh. Vous savez comment les hommes de science réagissent quand ils choisissent Allah Azza wa Jal, quand il s'agit du nom et des attributs d'Allah Azza wa Jal, comment ils ouvrent leurs plumes et ils diluent leur langue pour défendre le monothéisme. Que ce soit les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, que ce soit le monothéisme dans toutes ses formes. Nous avons entendu hier toutes ces... Et ceci, ce n'est pas perdre son temps, mais ceci, c'est un combat sur le santé d'Allah Azza wa Jal. Car le fait de défendre le manhaj d'Al Salaf et le dogme d'Al Salaf, c'est un combat pour que les cartes ne se mélangent pas. Et cela veut dire qu'il est très important d'apprendre et d'étudier les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal comme il se doit. Et ceci est un sujet qui est très important. Et non pas, comme disent certains rois et bédas de France, certains insensés de France qui disent, ça m'intéresse pas de savoir où il est Allah. Et l'autre de dire, étudier les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, c'est une... C'est secondaire. A'oudou billah. Fa huna kadhalika yanqul naqlan tayyiban li Cheikh Najmi hafidhahu Allah ta'ala an a'immati ad-din. Yaqulu hafidhahu Allah ta'ala wa qala imam al-a'immati Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah fi kitab at-tauhid fa nahnu wa jami'a ulama'ina min ahli al-Hijaz wa Tuhama wal Yaman wal Iraq wal Sham ومصر مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه، نقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين، عز ربنا عن أن نشبهه بالمخلوقين، وجل ربنا عن مقالة العاطلين، وعز أن يكون كما قاله المبطلون. كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل بتحقيق الشهوان للإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى. إذنك شيخ نجمي دو كونتينيي دو نو citer certains passages et certaines paroles des hommes de science, et notamment ici, il dit, « Et l'imam des imams, Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah, dans son livre, Kitab Tawhid, le monothéisme, nous, ibn Khuzaimah, de dire ceci, nous et l'ensemble des hommes de science du Hijaz, ainsi que de Tuhama, du Yémen, de l'Irak, du nord de l'Arabie, de l'Égypte, notre voix, ce que nous confirmons à Allah, Azza wa Jal, c'est ce qu'il s'est attribué lui-même. » Et nous confirmons ceci avec le nom, et nous l'approuvons avec nos cœurs, et nous le prenons comme véridique dans nos cœurs, sans lui faire de ressemblance. Ne disons pas que le visage d'Allah Azza wa Jal est comme le visage de l'une de ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de tout ça, et au-dessus qu'on lui fasse une ressemblance avec ses créatures. Et Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus, de la parole de ceux qui ne reconnaissent pas les attributs d'Allah Azza wa Jal ou qui détournent, l'essence d'Allah Azza wa Jal, l'essence des attributs d'Allah Azza wa Jal. وذكر البيهقي كذلك في كتاب الاعتقاد بابا في ذكر آيات وأخبار وردت في إثبات صفة الوجه واليدين والعين وهذه صفات طريق إثباتها السمع لورود خبر الصادق بها ولا نكيفها. انظر كتاب الاعتقاد. Et aussi il nous cite la parole de البيهقي رحمه الله dans son livre الاعتقاد dans un chapitre qu'il a dit: les versets ainsi que les hadiths qui nous ont été transmis, qui confirment l'attribut du visage et des mains et des yeux à Allah Azza wa Jal, ces attributs, la voie de les confirmer, ils ont été confirmés par lui, c'est-à-dire par les textes qui sont arrivés, et par des textes qui sont arrivés de celui qui est véridique, qui est le prophète alayhi wa sallam, et par la parole d'Allah Azza wa Jal qui est la parole la plus véridique. Donc nous ne devons pas chercher le comment de ces attributs. Nous ne devons pas chercher le comment de ces attributs. Nous y croyons tels qu'ils sont, et leur signification en langue arabe, elle est réelle. Mais il n'y a pas de ressemblance à chercher, ni à chercher le comment de ces attributs. Wa qala al-khatib al-Baghdadi, amma al-kalam fi as-sifat fa inna ma ruwiya minha fi as-sunan as-sihah madhhab as-salaf ridwanullah alayhim ithbathuha wa ijra'uha ala dhawahiriha. وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها. الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى يدير في parler sur les attributs d'Allah Azza wa Jal. Il faut prendre ce qui nous a été transmis dans Sunan, dans les authentiques. Et la voix du puiseur d'Allah alayhim, c'est qu'il la confirme, il la prouve telle qu'il leur a été annoncé. Ils la prennent dans le sens apparent des textes. Mais il ne cherche pas le comment de ses attributs, il ne cherche pas non plus à les ressemblances, à faire des ressemblances à Allah Azza wa Jal avec ses créatures. Wa yaqulu ash-shaykh an-Najmi hafidhahullah ta'ala wa qad nafaha qawmun fa abtalu ma athbathahu Allah subhanahu wa ta'ala wa haqqaqaha min al-muthbitin qawmun fa kharaju fi dhalika ila darbin min at-tashbih wa at-takyif wa al-qad wa al-qasd innama huwa suluk at-tariqah al-mutawassitah سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه. الشيخ نجم حفظه الله تعالى de nous dire, il y a des gens qui ont mis de côté et qui n'ont pas reconnu ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué, s'est donné comme attribut. Et donc, ils ont annulé des choses. Ils ont mis des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué lui-même. Ils les ont mis de côté. Et certains sont allés à l'autre extrême, jusqu'à faire des ressemblances à Allah Azza wa Jal, et à faire un comment aux attributs d'Allah Azza wa Jal. Mais ce qui est voulu, et la voie du milieu, c'est une voie entre ces deux réactions. Ceux qui ont annulé et qui n'ont pas reconnu les attributs d'Allah Azza wa Jal, et ceux qui ont cherché la ressemblance et le comment des attributs, ben il y a une voie du juste milieu. Celle qui est reconnue, c'est la voix de nos plus ailleurs, d'Allah alim, celle qui reconnaît les attributs d'Allah Azza wa Jal, et qui prend leur signification dans la langue arabe, et qui délègue le comment de ces attributs à Allah Azza wa Jal. Et la religion d'Allah Azza wa Jal, il est évident qu'il est entre deux extrêmes, entre les laxistes et ceux qui ont allé aux extrêmes. Et les meilleurs parmi eux, ce sont ceux du milieu, du juste milieu. فالطريقة المتوسطة بين الأمرين هي أن السلف يثبتون بلا تمثيل وينزهون بلا تعطيل، فقولهم إثبات بلا تمثيل. الله له يد وله وجه وله قدرة وله إرادة كما يليق بجلاله وعظمته، ولا يمثلون، لا يقولون يد كيد المخلوق أعوذ بالله، ولكن يستعملون القاعدة الربانية ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. Donc ici un commentaire de Cheikh Abu Malik al-Juhani حفظه الله تعالى dit que la voie du juste milieu entre les deux situations, c'est que Salaf Radwallah Alim confirme à Allah Azza wa Jal ses attributs, il ne lui cherche pas d'exemple, il ne cherche pas à lui faire des ressemblances dans ses créatures. Donc, Allah, ils jazissent de la sorte que Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus de tout, qu'il n'a pas de ressemblance. Et en même temps, ils ne dépouillent pas les sens, les attributs de leur sens. Et ils disent, confirmer à Allah Azza wa Jal sans lui chercher des exemples, sans le faire ressembler à ses créatures. Allah, il a des mains, il a un visage, il a une puissance, il a une capacité, et il a un vouloir, et tout ceci comme il s'y est à la grandeur d'Allah, Azza wa Jal. Et ils ne font pas d'exemple à Allah, Azza wa Jal, ils ne disent pas que la main d'Allah est comme la main de ses créatures, A'udhu billah, n'est que son visage, et ceci au niveau de tous les attributs. Mais ils utilisent, ils mettent en pratique cette règle qui vient directement de Allah Azza wa Jal, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul 'alim. Ils mettent cette règle en application, rien ne lui ressemble. Il est celui qui entend et qui sait. Donc, ils lui font pas de ressemblance et en même temps ils lui reconnaissent les attributs comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans ce verset. C'est la règle, ils la prennent directement de la parole d'Allah Azza wa Jal. فإن قال الجهم كيف يده تقول كما قال إمام دار الهجرة الكيف غير معقول ثم نطرح سؤالا عليك أيها الجهم إذا كنت تسألنا كيف يد الله فنحن نسألك كيف الله بذاته صفه لنا فإن قال له ذات تليق بجلاله وعظمته ما رأيته ولا يمكن أحد من البشر أن يصف الله لأنه ما رآه أحد من البشر فنقول له فهذا الذي تقوله في الذات نقوله لك في الصفات ولذلك قد عاد ابن تيمية رحمه الله والأئمة من قبله ومن بعده هذه القاعدة السلفية في التدمرية القول في الصفات كالقول في الذات فكما أنك تثبت له ذاتا تليق بجلاله وعظمته ولا تشبه ذات المخلوقين كذلك يجب عليك أن تثبت له صفة تليق بجلاله عز وجل لا تشبه صفات المخلوقين فهذا الخوض اضطر إليه السلفيون للرد على أهل الأهواء والبدع الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه. Et donc, et quand le Jahmi te dit comment il est la main d'Allah Azza wa Jal, tu dois lui répondre comme a répondu l'imam Malik rahmatullah alayh. Il a dit, le comment de l'attribut, la raison ne peut pas le capter, il ne le sait pas. Ghayru ma'qul, il ne peut pas le capter, il ne le sait pas. Le comment de l'attribut, le comment de la main d'Allah ou du visage d'Allah, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait. Et après on pose cette question à ce Jahmi, on lui dit, toi qui nous pose des questions sur la main d'Allah Azza wa Jal, comment il est l'essence d'Allah Azza wa Jal, décris-le. S'il dit qu'il a une essence qui sied à la grandeur d'Allah Azza wa Jal et à la majesté d'Allah Azza wa Jal, je ne l'ai pas vu et que personne parmi les humains ne pourrait le voir, ne l'ont pas vu dans ce bas monde, on lui dit dans ces cas-là, ce que tu dis dans l'essence d'Allah, nous te le disons aussi en ce qui concerne les attributs d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça qu'Ibn Taymiyyah rahimahullah et les imams avant lui ont instauré cette règle salafi qui dit, et notamment dans Tadmouria, Cheikh l'Islam, il dit, parler sur les attributs, c'est comme parler sur l'essence. Le fait de parler sur les attributs, c'est comme parler sur l'essence. Et comment on approuve, ça c'est la règle qu'a instauré Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, parler sur les attributs, c'est la même chose que parler sur l'essence d'Allah Azza wa Jal, il n'y a pas de différence. Puisque nous devons reconnaître une essence à Allah Azza wa Jal comme il sied à la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Et reconnaître des attributs à Allah Azza wa Jal comme il sied à la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Et comme lui il se les est attribués, et comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous les a annoncés. Et comme il est de notre devoir de reconnaître une essence qui sied à la grandeur d'Allah Azza wa Jalla et la majesté d'Allah Azza wa Jalla, une essence qui ne ressemble pas à l'essence de ses créatures, il est de notre devoir aussi de reconnaître les attributs d'Allah Azza wa Jalla comme il sied à la majesté d'Allah Azza wa Jalla, et que ces attributs ne ressemblent en rien aux attributs de ses créatures. Et ces paroles et ce débat, les hommes de science salafis ont été obligés à rentrer dans ce débat pour répliquer aux gens de l'innovation et aux gens de qui suivent leur passion, qui ont dépouillé les sens et qui ont donné d'autres significations aux mots. وأما الأمر التالي الأمر الثاني فيقال تنزيه بلا تعطيل ننزه الله سبحانه وتعالى ولكن ما نعطل صفات الله سبحانه وتعالى التنزيه شيء والتعطيل شيء آخر ومذهب السلف لا تمثيل ولا تعطيل فهو موقف بين واضح موافق للنصوص والفطرة والعقل السليم ولكن أهل الأهواء والبدع هم كما قال رب العزة أنى تؤفكون أنى تسحرون أنى تصرفون أنى تصرفون عن الحق الواضح البين يا عباد الله فأنى تسحرون كأن أحدا سحرهم وصرفهم عن هذا الحق الواضح وضوح الشمس في رابعة النهار هذا شيء عجيب مع أن العقيدة السلفية واضحة بينة وسهلة يفهمها الأعرابي وتفهمها العجوز وخفيت على كبار الأذكياء حتى تعلم أخ الإسلام أن المسألة تعود إلى توفيق الله عز وجل ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. Et le deuxième point qui est très important, c'est que on reconnaît les attributs d'Allah عز وجل comme il sied à la grandeur d'Allah عز وجل sans dépouiller l'essence. L'essence, la signification de ces attributs, on les reconnaît tels qu'ils sont dans la langue arabe. On ne dépouille pas l'essence de leur signification. Car le fait de reconnaître les attributs d'Allah Azza wa Jal et de dire que ce sont des attributs comme ils sied à la grandeur d'Allah Azza wa Jal, ce n'est pas la même chose que d'y dépouiller hein, la signification de ces attributs. Et la voix du puiseur d'Allah Alayhim, c'est ne pas faire de ressemblance et non plus ne pas dépouiller le sens des attributs. Ça, c'est une position qui est claire. C'est une position qui va de pair avec les textes, avec la nature sur laquelle est écrit l'être humain, avec la raison saine. Mais les gens qui suivent leur passion, les gens de l'innovation sont comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Anna tu'fakoun, où est-ce que vous allez ?»« Anna tusharoun, anna tusrafoun, où est-ce que vous dites tourner de là ?» Vérité qui est claire, comme si c'est quelqu'un les a pratiqué une magie sur eux, il les a détournés de la vérité. Alors que le dogme des puiseurs d'Allah Alim, il est clair, il est facile. Le bédouin dans le désert, qui n'a pas fait d'études, le comprend. La vieille le comprend. Et ceci a été caché. Et ceci, beaucoup parmi les intelligents de l'humanité ne l'ont pas compris. Car de là tu sais, frère en islam, que la situation revient à l'accomplissement d'Allah Azza wa Jal, revient à la guider min Allah Azza wa Jal. Ceci est la guidée d'Allah. Allah, il guide qui il veut parmi ses serviteurs. Cette guidée vers la clairvoyance, vers la pure, vers le chemin clair, il est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a guidé, il a fait que tu sois sur la voie de tes puiseurs d'Allah Alim, remercie Allah Azza wa Jal. Il demande à Allah Azza wa Jal que tu meurs sur cette voie. والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات ويحتذى في ذلك حدوه ومثاله. فإذا كان معلوما أن إثبات رب العالمين عز وجل إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية فكذلك إثبات صفات إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف انتهى النقل من جواب أبي بكر البغدادي عن سؤال أهل دمشق في الصفات. Donc, et Cheikh, حفظه الله تعالى, de continuer à nous à nous donner un autre passage de Khatib al-Baghdadi dans sa réponse aux gens de Damas dans les attributs d'Allah Azza wa Jal. Il dit, Hafidhahullah Ta'ala, dans ce qu'il a pris de Khatib al-Baghdadi, et à l'origine dans tout ça, c'est que le fait de parler dans les attributs d'Allah Azza wa Jal découle, est un détail du fait de parler de l'essence d'Allah Azza wa Jal. Et on agit de la même sorte dans les deux cas, que ce soit au niveau des attributs ou là au niveau de l'essence d'Allah Azza wa Jal. On approuve, on reconnaît à Allah Azza wa Jal une essence qui sied à la grandeur d'Allah Azza wa Jal, et on lui reconnaît aussi des attributs qui sied à sa grandeur Azza wa Jal. Et s'il est reconnu et confirmé que le fait d'affirmer, de reconnaître qu'Allah est le Seigneur du monde, cette affirmation, c'est une affirmation d'existence, et non pas une affirmation du commande d'Allah, Azza wa Jal. C'est une affirmation comme quoi Allah, il existe. Mais, on n'affirme pas le commande d'Allah, Azza wa Jal. Hada, personne ne le sait. Il en est de même pour les attributs d'Allah, Azza wa Jal. On approuve, on confirme, on affirme les attributs d'Allah, Azza wa Jal, que c'est des attributs qui existent et qui sont réels, sans chercher leur comment, et sans confirmer ni le comment, ni leurs limites. Ça, on ne peut pas. C'est interdit. وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وعلى هذا درج السلف والخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تعرض لتأويله وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم وحذرنا من المحدثات وأخبرنا أنها ضلالات انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى في لمعة الاعتقاد. Et il ne cite aussi d'autres paroles, et notamment celle-ci d'Ibn Qudam al-Maqdisi dans le Ma'at al-I'tiqad. Et il dit, et sur cette voie ont été les puiseurs d'Allah Alim et ceux qui les ont suivis sur la même voie, classe Allah al-Aligré, et ceux qui les suivent à la trace, tous confirment les attributs d'Allah Azza wa Jal. Ils les font passer tels qu'ils sont. C'est-à-dire, ils ne cherchent pas le comment des attributs. Ils comprennent ce que ça veut dire dans la langue arabe. Tels qu'ils sont arrivés dans le livre d'Allah et dans l'authentique de la sunnah du prophète, ils les prennent comme véridiques. Et ils les approuvent tels qu'ils sont. Sans aller chercher, sans leur donner des fausses significations. Et il nous a été ordonné de suivre leurs traces et leur guider et de les prendre comme jalons. Sur notre route, il nous a été interdit les innovations et il nous a été annoncé que les innovations c'est un égarement. Donc en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal et l'essence d'Allah Azza wa Jal, on doit reconnaître que Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué lui-même et ce que lui a attribué son prophète alayhi wa sallam sans chercher le comment. Et suivre ne plus à eux dans tout ça. Ils sont déformés l'essence, ils sont changés les significations. وقال أبو محمد الجويني في رسالته إثبات الاستواء والفوقية وإثباتنا علو ربنا سبحانه وفوقيته واستواءه على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته والحق واضح في ذلك والصدور تنشرح له فإن التحريف تأباه العقول الصحيحة مثل تحريف الاستواء بالاستيلاء وغيره والوقوف في ذلك جهل وهي مع كون الرب تعالى ما وصف لنا نفسه بهذا إلا لنثبت له ما وصف به نفسه لنا ولا نقف في ذلك. هذا من مجموعة الرسائل المنبرية يا أبو محمد الجويني. وقبل هذا الكلام الذي نقله الشيخ النجمي فتلميذه الشيخ محمد بن هادي المدخلي ينقل لنا كلاما مهما قبل هذا الكلام ذكره الجويني. إذا علمنا ذلك واعتقدناه تخلصنا من شبه التأويل وعماوة التعطيل وحماقة التشبيه والتمثيل وأثبتنا علو ربنا سبحانه وفوقيته. Et donc, voici un autre texte de l'un des imams de la communauté qui est Abu Muhammad al-Juwayni, dans sa risala qui est confirmé à Allah Azza wa Jal qu'il est au-dessus de tout. Il dit dans cette risala, et le fait de confirmer et d'affirmer Allah Azza wa Jal, de reconnaître Allah Azza wa Jal qu'il est au-dessus de tout et qu'il s'est établi au-dessus de son trône, comme il s'y a à sa grandeur et à sa majesté, il dit la vérité en tout ça, il est clair, et les poitrines sont grandes ouvertes à ça, ils sont quiètes vis-à-vis de ça. Car le fait de changer la signification, les raisons saines ne l'acceptent pas. Le fait de changer la signification du mot l'istiwa, ou lui donnant comme signification l'istila, qui veut dire mettre la main dessus, hein, ça, les raisons saines ne l'acceptent pas. Et le fait aussi de s'arrêter de nous dire, je ne sais pas ce que ça veut dire l'istiwa, ceci aussi est une ignorance. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il s'y décrit comme quoi il est élevé au-dessus de tout. Nous, il ne nous appartient tout simplement qu'à confirmer Allah Azza wa Jal et affirmer Allah Azza wa Jal, reconnaître Allah Azza wa Jal, les attributs avec lesquels il s'est fait connaître à nous. Et nous ne devons pas nous arrêter et dire, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire, l'istiwa en langue arabe, ça veut dire s'élever au-dessus de tout. Point final. Comment, ça on ne le sait pas, on est d'accord, il faut s'arrêter. Le comment, on ne cherche pas. Et avant ce passage, qu'a dit Mohamed al-Juwayni, il y a l'élève du Cheikh Najmi Hafdahullah Ta'ala, Mohamed ibn Hadi al-Madkhali, il cite en bas de la page une parole de al-Juwayni qui est très importante. Il dit, chapitre, si on sait ceci et qu'on le croit, nous allons être épargnés de toute ambiguïté du fait de changer le sens des mots et de tout aveuglement du fait de dépouiller les sens de leur signification. On va être épargné de la folie de ceux qui cherchent des ressemblances à Allah. Et nous allons confirmer à Allah, Azza wa Jal, hein, comme quoi il est élevé au-dessus de tout. Rahim Allah, a'immat al-muslimin. Wa jazahum Allah anna khairan. Wa hada alladhi sami'ta akha al-islam kalamun sahihun wa kalamun tayyib. Ya'ni anna Allah, Azza wa Jal, akhbarana bi sifatihi hatta nu'mina biha. ونثبتها لا أن نتفلسف فيها وأن نعطلها وأن نقف عندها ونتردد فيها أو نخوض فيها الخوض الباطل. Est-ce que tu viens d'entendre, frère, en Allah Azza wa Jal, de ces paroles de ces nobles imams qu'Allah subhanahu wa ta'ala les couvre de sa sainte miséricorde? Ce sont des paroles nobles et authentiques et avenantes. Allah subhanahu wa ta'ala nous a annoncé qu'il a des attributs. Nous devons y croire et les confirmer, les approuver à Allah Azza wa Jal. Nous ne devons pas disserter sur les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Nous ne devons pas philosopher là-dessus. Nous ne devons pas les dépouiller de leur sens, ni de les détourner de leur sens. Nous ne devons pas dire on ne sait pas ce que ça veut dire. Il est évident qu'on ne sait pas le comment des attributs. Mais la signification du liad en arabe, on sait ce que ça veut dire. Nuzul en arabe, on sait ce que ça veut dire. Al-istiwa en arabe, on sait ce que ça veut dire. Mais le comment de tout ça, on ne doit pas s'immiscer, on n'a pas à chercher dedans, mais on reconnaît Allah, Azza wa Jal, cet attribut, et on reconnaît leur signification en langue arabe, et on ne s'arrête pas, et on ne doit pas disserter dans le faux, et polémiquer dans le vide, sur les noms et les attributs d'Allah, Azza wa Jal. Wa sababu hadha al-khawd fi al-batil, kathrat al-su'al. Wa hadha sababu kathrat al-su'al. والسلف رضوان الله عليهم ما أكثروا الأسئلة في هذا الباب. السلف قالوا سمعنا وأطعنا، جاءت نصوص الصفات في الكتاب والسنة، قال السلف مروها كما جاءت مع إثبات المعاني دون البحث في الكيفية، فكلام السلف قليل وكثير الفوائد والبركة. وانظروا إلى الخلط والخوض عند الخلف كيف هو، كتب ومجلدات تؤلف في هذا الباب مما اضطر ابن تيمية وكثير من العلماء قبله وبعده من أئمة الأثر أن يكتبوا كذلك مجلدات لرد هذا الخلط وهذا الباطل. Et pourquoi il y a eu toutes ces polémiques sur les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal? C'est parce que les questions qui ne devaient pas exister, elles ont existé. Alors que nos pieux prédécesseurs, radhiyallahu anhum, à leur tête, Sahaba radhiyallahu anhum ne posaient pas beaucoup de questions à ce chapitre-là. À ce chapitre-là, nos plus prédécesseurs, qui sont les compagnons et ceux qui les ont suivis à la perfection, ils ont dit, nous avons entendu, nous obéissons. les textes des attributs d'Allah Azzawajal sont arrivés dans le livre d'Allah et dans l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu salam, salaf, ils ont dit prenez-les tels qu'ils sont et confirmez leur signification et leur définition dans la langue et cherchez pas le comment. Point final. Ainsi ils étaient radhiyallahu anhum. Donc les paroles des salaf sont peu, mais dans lesquelles il y a beaucoup de points à retenir. Il y a de la bénédiction dans leurs paroles radhiyallahu anhum. Mais regarde maintenant ce mélange et cette polémique qui n'en finit pas chez le khalaf. Comment il est? Des livres et des livres, des tonnes de livres. S'ils tombent sur quelqu'un, ils vont l'engloutir. C'est ce qui a fait, qui a obligé Ibn Taymiyyah et les hommes de science avant lui et après lui à répliquer avec des tonnes de livres aussi pour refuter ce faux et pour épargner la communauté du blâmable et des ambiguïtés. لذلك أخ الإسلام من هنا تعلم أن الرد هذا أصل من أصول الإسلام كما كتب شيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى كتابا قيما وهنا إن من حولنا في بروكسل يقول الشيخ بكر أبو زيد الشيخ بكر أبو زيد ولكن لا يهتمون إلا بما سموه بالورقات الذهبية ولكن انظروا ما موقفهم من هذا الكتاب الرد من أصول الإسلام الرد على المخالف من أصول الإسلام ما موقفهم منه لا يحبون هذا الكتاب ولا يذكرونه لا تسيء سفخرون الله عز وجل كل غيبليك et la réfutation du faux fait en partie du fondement de l'islam. C'est ce qui a poussé Abu Bakr Abu Zayd rahimahullah ta'ala d'écrire un livre qui s'appelle le fait de répliquer au, à celui qui est en divergence avec la sunna, fait partie des fondements de l'islam. Ce livre, les Hizbi autour de toi à Bruxelles, parlent et font l'éloge de, des feuilles d'or qu'ils, comme il leur plaît à dire. Mais ce livre-là, qui est fondement, que la réplique est un des fondements de l'islam, ils n'en parlent pas. Ils le citent même pas. Ça les intéresse pas, comme le livre Hajr al-Mubtadi', le fait de délaisser, de quitter, d'immigrer. Le Mubtadi', ils n'en parlent pas. Comme le livre aussi dans lequel il y a la sentence du fait d'appartenir à un groupe, ils n'en parlent pas. Pourquoi? Parce que ça va ébranler leur édifice. Ça va les détruire. Mais par contre, les petites épîtres qui vont être, qui créent des problèmes et des ambiguïtés là, ils en parlent. صلى الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية ولهذا أخ الإسلام إذا جاك الجيش الغرمم إذا جاك الجيش الغرمرم الكتيف من جيش الباطل كيف ترده إذا غزا عقر دارك 100,000 يريدون القضاء على العقيدة السلفية وعلى المنهج السلفي هل تردهم 100؟ لا بل نردهم 100,000. لذلك ابن تيمية ألف مجلدات للرد على الرازي وأمثاله وهذا ما صنع الشيخ ربيع حفظه الله تعالى مع كتب سيد قطب وغيره من المنحرفين المعاصرين وإلا فإن الأصل عند السلف أن كلامهم قليل لأنه لم يكن عندهم أشاعرة ولا معتزلة ولا جهمية وغيرهم ولم يكن عندهم إخوان ولا تبليغ ولا ياسينيون ولا طلائع ولا سروريون ولا حزب تحرير ولذا كان كلامهم قليل وكلامهم القليل انتفع به ابن تيمية وأمثاله من الجهابدة من العلماء ولا زال العلماء ينتفعون به انتفاعا عظيما وأخذوه وهضموه وجعلوه قواعد وأصولا ردوا بها باطل أهل الأهواء والبدع فهكذا العلم أخ الإسلام وهذا من العلم الذي بدأناه في دراسة هذا الكتاب المبارك إن شاء الله في نقد جماعة التبليغ والإخوان مع أنه يقلق الكثير ممن حولنا ولا نبالي بمن يقلق هذا الكتاب لأن الحق حق ولو أقلق البعض ولو أقلق الكثير فهو حق ولا بد منه. Pour ça, frère, en Allah, Azza wa Jal, quand il t'arrive une armée, une grande armée, une énorme armée, parmi l'armée de ceux qui propagent le faux, Comment tu vas répliquer? Une armée de 100 000 qui veulent détruire la voie du puiseur d'Allah Alem, comme tu le vois autour de toi, Akhal Islam. Qui veulent détruire la voie du puiseur d'Allah Alem, qui veulent détruire le dogme de le puiseur d'Allah Alem. 100 000. Tu vas leur répliquer avec 100? Là, Akhal Islam. Il faut le même nombre, 100 000 aussi. C'est pour ça que Ibn Taymiyyah rahmatullah a écrit beaucoup de volumes pour répliquer à Razi et à ceux qui y ont suivi la même voie que Razi, et d'autres volumes pour répliquer à Rafida, pour répliquer à Mu'tazila, pour répliquer à Asha'ira. Et ce qu'a fait le porteur de l'étendard, de l'éloge et de la réfutation, Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala, avec les livres, en répliquant à Sayyid Qutb, et à ceux qui sont déviés, ils sont, à ceux qui sont sur la même voie que lui, parmi les contemporains, il a répondu, avec beaucoup de livres, il n'arrête pas, Hafidhahullah Ta'ala. Et cela déplaît beaucoup à ceux qui nous entourent ici à Bruxelles. Pourquoi? Parce qu'ils tapent leur emblème. Ils tapent, ils montrent les erreurs de leur emblème. Hein? Et ça, c'est la voix des puiseurs d'Allah Alim. Et à l'origine, ces salafs, leurs paroles sont peu nombreuses. Parce que Sahaba d'Allah Alim, autour d'eux, il n'y avait ni Asha'ira, ni Mu'tazila, ni Jahmiya et autres. Mais après, quand il y a eu ces groupes qui sont arrivés, ben, salafs ont parlé, ont écrit, etc. Il en est de même à notre époque. Salafs ne connaissaient pas ce que c'est que l'Ikhwan, ne connaissaient pas Tablir, ne connaissaient pas l'Yassiniyin, ne connaissaient pas Tala'ir, ne connaissaient pas, etc. Hein? Et maintenant, les hommes de science répliquent à Tablir, répliquent à l'Ikhwan, répliquent à l'Yassiniyin, répliquent à Tala'ir, répliquent à Sororiyin, à l'Qutbiyin, à Tkfiriyin, et j'en passe. La liste est longue. Et la parole de nos puiseurs était peu nombreuse. De cette parole bénéfique et qui était courte, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et son exemple et les autres savants qui sont du même gabarit que lui, de la même puissance au niveau de la science que lui, en ont profité beaucoup. Ils ont digéré ces paroles depuis eux, ils ont sorti des règles et des fondements avec lesquels ils ont répondu aux gens du faux et du blâmable et de l'innovation et de ceux qui suivent leur passion. Il en est ainsi de la science, frère en Allah Azza wa Jal. Et ce livre, béni min Allah Azza wa Jal, Inch'Allah, que nous étudions, est un livre dans lequel il y a beaucoup de points à retenir. Et notamment, comme, que ce soit dans l'aqidah ou dans le minhaj, et dans la reconnaissance, la critique de ces erreurs dans lesquelles sont tombés les fondateurs des groupes d'Yel Ikhwan et les fondateurs du groupe d'Yel Tablir. Il y a beaucoup de choses à retenir, et ça va dissiper, Inch'Allah, beaucoup d'ambiguïté. Qu'on déplaise à ceux qui disent, ouais, mais c'est toujours la même chose. Là, ya akhal Islam, ce n'est pas toujours la même chose. Ce n'est pas toujours la même chose. Il en va. On est dans un monde où on reçoit chaque jour des déluges d'ambiguïté. On va pas rester les mains croisées. Les hommes de science n'ont pas écrit ce livre pour le plaisir de augmenter les livres dans les librairies, dans les bibliothèques. Loin de là, ya akhal Islam. C'est pour un but bien précis. C'est pour défendre la voie du puiseur d'Allah alayhim. ولذلك ابن تيمية رحمة الله عليه في ردوده أتى بهذا الكلام القليل للسلف وجعله قواعد وأصول رد بها على الأشاعرة وغيرهم من عقلانيين ورافضة. إذن حصل معنا أن السلف تركوا لنا القواعد والأسس. والذي فعله ابن تيمية وتبسيط وتوضيح هذه القواعد وهذه الأصول. دونك شيخ الإسلام ابن تيمية après les règles ديال السلف رضو الله عليهم il les a expliqués, il leur a donné des définitions, il les a digérés, compris, et il a fait de ces paroles du puiseur رضو الله عليهم des règles et des fondements avec lesquels il a répliqué à l'Asha'ira et ou à ceux de l'école de la raison, et autres. Donc ce que nous avons obtenu, nous, c'est que Salaf Allah nous ont laissé des règles, et des bases, et des fondements. Et les imams de cette communauté, que ce soit Ibn Taymiyyah, ou avant lui, ou ceux qui sont venus après lui, ils ont pris les paroles des premiers, et ils ont répliqué à, aux gens de l'innovation de leur entourage. فشيخ الإسلام رحمه الله وضح قواعد وأصول السلف ورد بها أباطل أهل البدع وإلا فالباب واحد والبضاعة واحدة لا فرق بين ابن تيمية والأولين من السلف كلامهم واحد فابن تيمية لم يأتي بشيء جديد ولما ألف الواسطية وناظر الأشاعر قالوا لهم أمهلكم 3 سنوات في مجلس الأمير لو جئتم بنقل عن السلف يخالف حرفا واحدا في هذه العقيدة فأنا راجع عنه والأشاعرة منذ أن قال لهم ابن تيمية هذه الكلمة إلى الآن 800 سنة ما أتوا بشيء عن السلف يخالف العقيدة الواسطية ولن يستطيعه أبدا انظر كيف الثقة كيف الوثوق والقوة العلمية والثبات على الحق واليقين به فالمقصود أن الله عز وجل ذكر هذه الصفات حتى نؤمن بها لا أن نخوض فيها الخوض الباطل دوك شيخ الإسلام ابن تيمية n'a fait que nous éclairer, donner des éclaircissements sur les règles et les fondements ديال السلف رضو الله عليهم et avec ces règles et ces fondements il a réfuté le faux et le blâmable de l'école de la raison ديال الرافضة خزاهم الله et ديال toute forme de tendance qui est qui divide la voie d'une puiseur d'Allah. C'est-à-dire que la marchandise de Ibn Taymiyyah et d'Ipizayel est la même chose. Il en est de même. La marchandise, les points de départ de Cheikh Rabi', de Cheikh Al-Albani, de Cheikh Ibn Baz, pour réfuter à celui qui est en divergence, est la même chose que c'est le même point de départ d'Ibn Taymiyyah et les autres. Rahmatullah al-Jami'. Il n'y a ou pas de différence entre eux. Hein? Les paroles qui n'étaient pas nombreuses des puiseurs d'Allah Alem, et les paroles d'Ibn Taymiyyah, ou là les paroles d'Ibn Sheikh Nasr, rahmatullah alayh, ou là les paroles d'Ibn Sheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Leur parole est unique parce qu'ils viennent de la même source. Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, il n'a rien ramené de nouveau. Mais tout simplement, il nous a donné, il nous a défini au mieux les règles de nos puiseurs d'Allah Alem. Hein? C'est pour ça qu'un jour, devant l'émir, il a mis au pied du mur l'Asha'ira de son époque dans le débat qui concerne l'Wasitiya. Il leur a dit, je vous laisse 3 ans et devant l'émir, je vous laisse 3 ans de me ramener une seule parole d'Yel Salaf qui est en divergence avec ce que j'écris dans l'Wasitiya, dans l'Aqidah l'Wasitiya. Et si vous le ramenez, je reviens. L'Asha'ira depuis que Ibn Taymiyyah leur a lancé ce défi, ça fait 800 ans maintenant, ils n'ont pas pu ramener une lettre dans le Wasitiya qui soit en divergence avec la voie et les dogmes de nos puiseurs d'Allah. Ils ne le pourraient pas. Et le défi continue jusqu'à la fin des temps. Ils n'ont rien ramené. Ils ne le ramèneront pas. Regarde maintenant la puissance et la certitude de Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, et la puissance de sa science, et son attachement très fort à la vérité, et la certitude qu'il a sur cette vérité. Car le but, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité ses attributs dans le Coran, c'est pour qu'on y croit. Quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé ses attributs, c'est pour qu'on y croit, pas pour débattre et faire des polémiques à ne plus finir sur les attributs d'Allah, azza wa jalla. فهذه بعض النقول عن مذهب السلف ولو أردنا بعض التقصي لاحتجنا يقول الشيخ النجمي حفظه الله تعالى هذه بعض النقول عن مذهب السلف ولو أردنا بعض التقصي لاحتجنا إلى مجلد أو أكثر ولا طال بنا الكلام وفيما ذكرنا كفاية ومقنع ومن أراد الاستزادة فعليه بالكتب المخصصة لهذا الشأن ككتاب التوحيد لابن خزيمة وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل وكتاب الرد على الجهمية للدارمي والفتاوى الكبرى لابن تيمية والعقل والنقل له وكتب ابن القيم وابن عبد الوهاب رحمه الله ومعارج القبول للشيخ حافظ الحكمي رحم الله الجميع وغير ذلك من الكتب التي ألفها أصحاب العقيدة السلفية وكتاب علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين للدكتور رضا نعسان ومن هذه النقول تعلم أن ما قرره الأستاذ حسن البنا من أن السلف والخلف اتفقوا على أصل التأويل كلام باطل وافتراء على السلف رحمهم الله، فالسلف يذمون المفوضة ويبدعونهم، فمتى اتفقوا معهم على التأويل؟ متى حصل هذا الاتفاق؟ وين حصل هذا الاتفاق؟ الشيخ النجمي رحمة الله عليه دونديخ وحفظه الله ومتعنا به وعافاه وشافاه دونديخ ساسسون quelques extraits de la voix de nos puiseurs d'Allah alayhim. Il dit, Hafidhahullah ta'ala, si nous voulions ramener d'autres paroles des puiseurs, il n'aurait fallu un tome ou plusieurs tomes, et ça aurait été trop long. Mais il a dit, dans ce que nous avons cité, pour celui, c'est suffisant. Et pour celui, et c'est convaincant, pour celui qui veut la vérité. Et celui qui veut encore plus, il a à revenir vers les livres particuliers à ce sujet, comme le livre d'Al Tawhid ibn Khuzayma, le livre d'Al Sunna d'Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbal, le livre qui s'appelle La réfutation al-Jahmiya d'Al Imam Darimi, et Fatawa al-Kubra d'Ibn Taymiya, l'Aql wa al-Naql, la raison et les textes d'Ibn al-Qayyim, de Ibn Taymiya, et les livres d'Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayh, et les livres d'Ibn al-Guhab, rahimahullah, et le livre de Ma'arij al-Qubul, le Cheikh al-Hafid al-Hakami, que Allah subhanahu wa ta'ala couvre de sa sainte miséricorde, les imams de l'islam, pour ces livres qu'ils ont écrits. Et aussi, il y a un autre livre, la relation entre l'affirmation et la délégation dans les attributs des seigneurs du monde, qui est écrit par Dr. Rida Nassan, et il a dit, et partant de ces choses qu'il nous a rapportées de nos puiseurs d'Allah alayhim, il apparaît que le professeur Hassan al-Banna, ce qu'a dit Hassan al-Banna, rahimahullah, que Salaf, quand il a dit que Salaf et le Khalaf se sont mis d'accord sur le fait de donner des sens, ceci est une parole non avenante. C'est-à-dire de donner des faux sens, de détourner les sens. Ceci est une parole non avenante. Et ceci est un mensonge sur Salaf, rahimahumullah ta'ala. Et Salaf, radwanullah alayhim, blâme ceux qui délèguent le sens des attributs d'Allah, azza wa jalla, la signification, ceux qui délèguent dans la définition et le sens des attributs d'Allah, azza wa jalla. Et ils les rendent des innovateurs. Et cherche de lui poser la question depuis quand, à quel moment ils se sont mis d'accord sur le fait de donner un autre sens. Quand c'est arrivé et en quel lieu c'est arrivé. ويقول حفظه الله تعالى ومتع به وأما أتباع حسن البنا فمن ذلك ما نقله صاحب كتاب وقفات عن سحيد حواء جولات في الفقهين الكبير والأكبر الجولة الأولى ما نصه إن للمسلمين نسأل الله السلامة والعافية إن للمسلمين خلال العصور أي الماضية أئمتهم في الاعتقاد وأئمتهم في الفقه وأئمتهم في التصوف والسلوك إلى الله عز وجل فأئمتهم في الاعتقاد كأبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتوردي ويقول أيضا في الجولة الرابعة ما نصه وسلمت الأمة في قضايا العقائد الاثنين لأبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتوردي. Maintenant, cher de nous dire, et les disciples de Hassan al-Banna, quant aux disciples de Hassan al-Banna en ce qui concerne leurs erreurs dans le dogme et dans le fait qu'ils sont tombés dans le fait de déléguer le sens des attributs d'Allah Azza wa Jal, voici ce que nous rapporte Al-Ajmi dans son livre Waqafat de Saïd Houwa, du livre de Saïd Houwa, promenade entre les deux grands fiqh, le fiqh al-Akbar, Fiqh al-Kabir, le grand fiqh, le fiqh al-Akbar. Il dit, la première balade, il dit ceci, Saïd Houwa. Les musulmans, à travers les époques passées et les siècles passés, avaient des imams dans le fiqh, des imams dans le tasawwuf, des imams dans la voie vers Allah Azza wa Jal. Et il dit, leurs imams dans le dogme, c'est Abu al-Hassan al-Ash'ari ou Abi Mansour al-Maturidi. Ça veut dire que leurs imams, qu'ils ont pris, ça veut dire que les musulmans à travers les siècles étaient ash'arites et étaient maturidites. Subhanallah. Et il dit aussi dans la quatrième jaoula, il dit le texte, il dit ceci. La communauté s'est soumise en ce qui concerne le dogme à deux personnes. Abu al-Hassan al-Ash'ari et Abu Mansour al-Maturidi. فأخ الإسلام هذا الذي سمعت من كلام سعيد حوى من أبطل الباطل فسعيد حوى شيخ الإخوان الصوفي عنده طامة أخرى في باب الأسماء والصفات يقول سلمت الأمة في قضايا العقيدة ولكن كان له أن يقول سلمت الأمة الأشعرية والماتوردية بهذا التقييد وإلا فالأمة ما سلمت لهذين وإنما سلم لهما الأشاعرة والماتوردية. Ce que tu attends des frères en Allah Azza wa Jal de la parole de Saïd Hawa ici, c'est le plus grand défaut et le plus grand des blâmables. Saïd Hawa, c'est l'un des chouyoukhs de l'Ikhwan et il est soufi. Il a des grandes catastrophes dans Sofia maintenant. Il nous donne un électrochoc dans le chapitre des noms et des attributs d'Allah, Azza wa Jal. Et il dit la communauté s'est soumise en ce qui concerne son dogme. Il aurait dû dire que la communauté ash'arite, immaturidite, avec cette condition, s'est soumise à ces deux imams. Car ne s'est soumise à ces deux imams et au dogme de ces deux imams que l'ash'arite et l'maturidia. وابو الحسن الاشعري رحمه الله رجع الى عقيده السلف وعندما تسمع الان مذهب الاشاعره يراد به المذهب الثاني لا وهو المذهب الكلابي وهو مذهب تعطيلي لا يثبت الا سبعه صفات فهو مذهب مبتدع والاشاعره عليه مي كنت ابو الحسن الاشعري رحمه الله il est revenu à au dogme des puzerd wallah alim mais quand il entend la voix de l'ash'ari aujourd'hui ce qu'on veut avec c'est la deuxième voie qu'avait Abu al-Hassan al-Ash'ari, qui est la voie de l'Kullabiyya, l'Ash'ari al-Kullabiyya. Et c'est une voie de l'Tatil, qui nous confirme à Allah Azza wa Jal que cet attribut. Et ça, c'est une voie innovée. Et l'Ash'ari sont sur cette voie-là. وكذلك المذهب الماتوريدي يثبتون ثمانية صفات زادوا صفة التكوين وهو مذهب يعتنقه الأحناف سبحان الله المدرسة الفقهية الحنفية ابتليت بالماتوريدية والمدرسة الفقهية الشافعية ابتلاها الله بالأشعرية فالشافعية جلهم أشاعرة والحنفية جلهم بل أكثرهم ماتوريدية وفي المالكية أشاعرة كذلك دونك اي لا فوا ديال الماتوريدية لا فوا ديال الماتوريدية سي اون فوا انوفي اوسي eux aussi ne reconnaissent que 8 sifat. Les 7 sifat d'Yal Asha'ira, les 7 attributs d'Yal Asha'ira, ils ont rajouté un 8e qui est la sifat de la formation, Tkwin. Et subhanallah, l'Ahnaf, l'école de jurisprudence Hanafi, a été éprouvée par le Maturidiyya. Beaucoup de Ahnaf sont Maturidi. Et l'école de jurisprudence Shafi'ite a été éprouvée aussi par l'Ash'ariya. Beaucoup de Shafi'iyya sont Ash'ari. Aussi dans le Malikiyya, il y a des Ash'ari aussi. Comme en Afrique du Nord, etc. والفرق بين الأشعرية والماتوريدية كلاهما من أب واحد. أي هما شقيقان. فالفرق بسيط جدا. وعليكم السلام ورحمة الله. ومن الفروق أن الماتوريدية يثبتون 8 صفات وإلا فمذهب الماتوريدية مذهب تعطيلي والأحناف ماتوريدية معطلة والشافعية جلهم أشعرية معطلة والحنفية في أباب الإيمان مرجئة غلاة يقولون الإيمان هو التصديق فقط. Donc, la différence qu'il y a entre l'Ash'ariya et l'Maturidiyya, les deux sont du même père. Ce sont deux frères. Les deux voies sont frères. La situation, la différence, il est simple. C'est que le Maturidiyya reconnaisse un huitième attribut. Enfin, la voie de le Maturidiyya, c'est une voie qui dépouille l'essence, qui ne reconnaît pas beaucoup de sifat, sauf 8 attributs. Et l'Ihnaf, en général, sont Maturidi. Shafi'iya, en général, sont beaucoup parmi eux, sont Ash'ari. Et les deux, que ce soit l'Ash'ariya de nos jours ou l'Al-Maturidi de nos jours, les uns reconnaissent, l'Ash'ariya reconnaissent cet attribut à Allah, et les autres reconnaissent tout simplement les attributs à Allah, Azza wa Jal. Wa l'Hanafiya de plus, chez beaucoup parmi l'Hanaf, sauf ceux que Allah couvert de sa sainte miséricorde, ils sont mangés à l'extrême. Ils disent tout simplement, l'Iman, c'est le fait de prendre comme véridique. C'est tout. فالعقيده الماتريديه غزت الاحناف والاشعريه غزت الشافعيه فالحاصل ان المذاهب ان المذهب الماتريدي والاشعري كلاهما مذهب مبتدع وهي مذاهب اهل التعطيل فياتي شيخ الاخوان سعيد حوا ويقول الامه سلمت في قضايا العقيده لابي الحسن الاشعري وابي منصور الماتريدي هذا إما إنه جاهل لا يعرف العقيدة السلفية ولا اطلع عليها ولا قرأ كتب ابن تيمية وابن القيم ولا عرف جهود ابن حنبل ولا اطلع على ما ألف وكتب محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا وإن كان يعرف ويخفي الحقيقة فهذه مصيبة فسواء كان هذا أو ذاك فكلا الأمرين مر فهل يستحق من كان حاله من كان هذا حاله أن يكون موجها ومنظرا للشباب وأن توزع كتبه ويقرأها الشباب فرجل هذا مستواه في العقيدة كيف يكون موجها ومرشدا في جماعة تدعي أنها تريد أن تعيد الأمة إلى مجدها donc que ce soit le dogme maturidite le dogme maturidite a envahi l'Ahnaf et le dogme ash'ari a envahi Shafi'iya et certains malikites aussi. حاصل c'est que la voix de l'Maturidi et la voix de l'Ash'ariya ce sont tous des voix qui sont innovées. Ils font partie de ces voix qui nous reconnaissent la voix de l'Ta'til. L'un reconnaît sept sifat, l'autre reconnaît huit. Et maintenant il arrive Saïd Hawa et il dit la communauté s'est soumise en ce qui concerne le dogme à Abu al-Hassan al-Ash'ari et à Abu Mansour al-Maturidi. Soit Saïd Hawa est un ignorant qui ne connaît pas le dogme d'Yel Salaf, il n'a pas étudié le dogme d'Yel Salaf, il n'a pas lu les livres d'Ibn Taymiyyah et d'Ibn Al-Qayyim, ou il ne connaît pas les efforts d'Ibn Hanbal à ce sujet, et il n'a pas lu les livres qu'a écrit Mohamed Ibn Abdullah, rahmatullahi alayhi. Ou alors, s'il sait et qu'il cache la vérité, ça, c'est une énorme catastrophe. Que ce soit l'un ou l'autre, les deux situations sont amères. Est-ce que quelqu'un qui est dans sa situation mérite d'être le théoricien des jeunes et que ses livres se distribuent et que les jeunes lisent ses livres? Comment un homme qui a ce degré dans l'aqida, son niveau est ainsi dans l'aqida, hein, peut être un théoricien et quelqu'un qui oriente et un guide dans un groupe qui prétend ramener la communauté, redonner et refaire revivre l'âge d'or de la communauté. فهذه خطورة وهذه خطورة الإخوان المفلسين في العالم أيها الإخوة هذه خطورة الإخوان المفلسين على الأمة عامة وعلى الشباب خاصة فلذلك العلامة الشيخ مقبل محدث الديار اليمنية وطلابه ومن نحى نحوهم يكثرون من التحذير من هذه الجماعة ورؤوسها ومنظريها ومنهجها وكذلك الشيخ ربيع ومشايخ المدينة وحذر منها الشيخ ابن باز والشيخ الألباني رحمة الله عليه والشيخ ابن باز جعلها من 72 فرقة وكل من يريد النصح للأمة عامة وللشباب خاصة يسلك هذا المسلك ويحذر من هذه الجماعة هذا هو السم القاتل فهذه الجماعة سم قاتل حفظنا الله وإياكم منها et donc et ça c'est le danger des Ikhwan c'est le grand danger des Ikhwan sur la communauté en général et sur les jeunes en particulier c'est pour ça que Cheikh Mokbil حفظه الله رحمة الله عليه محدد du Yémen et ses élèves et ceux qui suivent leurs traces n'arrêtent pas, ils continuent n'ont jamais arrêté d'avertir contre ce groupe, contre les têtes de ce groupe, contre les théoriciens de ce groupe, contre les voix de ce groupe. Et Cheikh Rabi' du même, Hafidhahullah Ta'ala, et les savants de Médine, et beaucoup de savants à travers le monde, Hafidhahumullah Ta'ala. Il en est de même de Cheikh Nubaz, qui, dans un charrette, il dit, le groupe d'Ikhwal Muslimin fait partie des 72 sectes. Il en est de même de Cheikh l'Albani, rahmatullah alayh, et tout homme qui veut le conseil pour la communauté en général, et pour les jeunes en particulier, doit prendre cette voie. Il doit avertir contre ce poison qui tue la communauté, qui sont l'Ikhwal Muflisoun, Jama'at Ikhwal Muflisoun. Écoutez, barakallahu fikoum, maintenant, des paroles de ceux qui vous entourent. Écoutez, la parole de l'une des têtes d'El Dawa à Bruxelles. Écoutez ce qu'il dit. Il n'y a rien à dire. Et les Ikhwan sont nos Ikhwan. Je ça au début. Les frères musulmans, ce n'est pas une secte. Un groupe de Dawa. Mais maintenant, quoi, je crois que les frères musulmans, c'est une secte ou quoi? Non, ce n'est pas une secte. C'est pas une secte. Et ça file encore à la sunna d'une façon. Vous avez entendu, frère, en Allah, Azza wa Jal, c'est le... Hassan al-Banna. Oh non, pas de ça. Et c'est là qu'ils se sont mis d'accord, ses premiers frères se sont mis d'accord de créer le mouvement qui a été connu ce jour, le mouvement des frères musulmans. On ne doute pas que Hassan al-Banna, rahimahullah, fait partie des musulmans, il n'y a pas de doute. Même s'il y a certains extrémistes aujourd'hui qui disent non, Hassan al-Banna et toute sa bande là, des frères musulmans, c'est une secte, là, c'est tout. Les frères musulmans font partie de la sœur Jamaat, du contraire. C'est bon? Vous avez entendu ces paroles. Ça, c'est l'une des têtes d'El Dawa à Bruxelles. Et écoutez maintenant la parole de Cheikh Al-Albani juste après. Vous avez entendu la parole de cette tête d'Yal Dawa à Bruxelles qui dit que les frères musulmans font partie de Al-Sunnah ou Al-Jama'a jusqu'à preuve du contraire. Et ceux qui disent qu'ils ne font pas partie d'Al-Sunnah ou Al-Jama'a, ce sont des extrémistes. Et vous avez entendu juste après la parole de Cheikh Al-Albani qui dit que les Ikhwal Muslimin, ce n'est pas juste de dire qu'ils font partie d'Al-Sunnah ou Al-Jama'a. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut par extrémiste? Ceux qui disent que les Ikhwal Muslimin c'est une secte, ce sont des extrémistes. Alors dans ces cas-là, il est en train de décrire Cheikh Al-Albani comme quoi il est extrémiste. Il est en train de décrire Cheikh Mokbil qui dit que cette Jama'a c'est une secte, que c'est un extrémiste. Et en train de décrire aussi Cheikh Ibn Baz qui a dit que le groupe d'El Ikhwan fait partie des 72 sectes, comme quoi il est extrémiste. Hein? Voyez un petit peu. Et pourquoi tout ça? Et en plus, il dit de vos frères qui s'occupent de la da'wa salafia ici, dans le centre al-Furqan, il dit que ses frères sont coincés entre l'usul talata et ses fondements. Hein? Ses frères sont coincés entre l'usul talata et ses fondements. Alhamdulillah, que ses frères soient coincés entre l'usul talata et ses fondements. L'usul talata, c'est la connaissance d'Allah, la connaissance de son messager, alayhi salatu wasalam, et la connaissance de la religion d'Allah, azza wa jal. Ce sont les trois, s'ils sont coincés sur l'usul talata, et s'ils les maîtrisent, et ils les comprennent, et ils les mettent en application, c'est ces trois fondements sur lesquels va être la question dans la tombe. Qu'est-ce que t'as adoré dans ce bas monde? Qu'est-ce que tu dis de l'homme qui vous a été envoyé? C'est quoi ta religion? Et les ces fondements, il y a toute la clarté de la voie à suivre. Et dans les six fondements, on comprend aussi qui sont les hommes de science et la réalité des hommes de science. Hein? Et donc, dans les six fondements, ils apprennent à reconnaître leurs limites et à ne pas dépasser leurs limites. Et qu'ils ne soient pas un but d'eux-mêmes. Par contre, ceux qui sont autour de ceux qui font dawa ici à Bruxelles, la situation, c'est qu'on leur demande pourquoi vous appelez ailleurs, nous sommes là, nous. Hein? Pourquoi vous appelez ailleurs? Vous n'avez pas à appeler les savants ailleurs en Arabie Saoudite ou ailleurs. Nous, on est là, on sait votre situation, etc. Et quand on dit des frères, dès le centre, qu'ils sont coincés entre le sol tel à tel et ses fondements, ceci n'est pas vrai. Aujourd'hui, après Salat al-Maghrib, il y aura cours dans le livre d'Yad Tawhid avec Cheikh al-Rudayyan, Hafidahullah Ta'ala. Et tous les dimanches après Salat al-Maghrib, avec Cheikh Mohamed al-Imam du Yémen. Hein? Et bientôt, Inch'Allah, avec Cheikh Falah Ismail et d'autres mashaïrs. Et à travers la semaine, il y a des cours sur le site avec repère de la Sunna, son H à la fin, avec le frère Ammar de Médine, et avec le frère Abdelmalik al-Faransi, hein, et avec le Cheikh Chalabi, Hafidhahullah Ta'ala, et souvent notre frère Ammar, Hafidhahullah Ta'ala, traduit le cours du Cheikh Ubaid, du Cheikh Sindi, du Cheikh al-Bukhari, de Jamal al-Hariti maintenant, toutes les semaines. Mais ces noms-là, nos frères qui font da'wa à Bruxelles ne les aiment pas. Parce que justement, ils parlent, ils annoncent, ils propagent ce que disent les hommes de science sur les têtes d'Yel Ikhwan et sur le Minhaj d'Yel Ikhwan. Et cela déplaît à ceux qui s'occupent de la da'wah ici. Ceux qui font la da'wah ici mettent en avant Aïd al-Qarni. Alors on sait ce que disent les hommes de science sur Aïd al-Qarni. Mettent en avant Mohamed Hassan. On sait ce que disent les hommes de science sur Mohamed Hassan. Mettent en avant Abu Ishaq al-Huwaini, Hassan Yaqob et autres. Ils oublient Cheikh Ubaid, ils oublient Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, ils oublient Cheikh Rabi', ils oublient Cheikh Al-Fawzan, ils oublient Imant, homme de science. Pourquoi? Parce que Hado, s'ils les mettent en avant, ils ne parlent pas sur l'Ikhwan, ils ne parlent pas sur Tabligh, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Donc ce qui veut dire que le pauvre jeune que tu es en Belgique, ou là en France, ou là ailleurs, si tu es dans les ambiguïtés, vas-y, engloutis-toi dans les ambiguïtés, nous sommes à côté de toi. C'est ce que tu dois rester comme ça. Et on dit de ces frères qui sont dans le centre Furqan que c'est des vautours, et que Allah il les a châtiés parce que ils ont le domicile rue des vautours. Subhanallah. Hein, avant, plus maintenant. Mais, pourquoi on les traite de vautours? Parce que tout simplement, ils disent, Cheikh Ubaid a dit de Al-Qardawi ceci. Cheikh Rabi a dit de Sayyid Qutb ceci. Cheikh, a dit de tel ceci. Et ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas. Et ça, ce n'est pas une médisance. Qu'on arrête de vous prendre, on vous donner des ambiguïtés. Il y a 6 points. Ouvrez Riyad Salihin, frère en Allah, Azza wa Jal. Et la prochaine visite, Inch'Allah, nous allons faire ce chapitre. Il y a un chapitre dans Riyad Salihin où il est marqué les points où c'est permis la médisance. Et parmi, il y a 6 points. Et parmi ces points, c'est justement clarifier la communauté sur l'état d'un innovateur. Arrêtez. Craignez Allah, Azza wa Jal, pour cette jeunesse musulmane. Craignez Allah pour cette communauté. Épargnez la voix de nos puiseurs, d'Allah Alim. Et épargnez les jeunes de ces ambiguïtés. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide, vous et nous, vers la vérité. Et que Allah subhanahu wa ta'ala nous remette, nous et vous, sur la vérité. Et qu'il fasse que nous comprenions tous à cette vérité. Fa'akh al-Islam, Saïd Hawa, wa Yusuf al-Qaradawi, wa Muhammad Qutb, wa Fathi Yakin, wa al-Muhalhal, wa Sayyid Qutb, wa Ahmed al-Ghazali, وطارق رمضان وهاني رمضان وكويسن وأحمد مختار وعمر الأصفر ومن حولك هنا في بلجيكا هم كتر. هؤلاء في الحقيقة ناس ليسوا أهلا لأن يوجهوا الأمة عامة والشباب خاصة لما عندهم من انحرافات خطيرة في المنهج. من حولك يدافعون كما سمعت عن البنا وعن جماعته، لما؟ وبعضهم كسعيد حوى والمنظرين عندهم طامات في العقيدة إنا لله وإنا إليه راجعون. دوك فاغنا الله عز وجل سعيد حوى، يوسف القرضاوي، محمد قطب، سيد قطب، فتح يكن، المهلهل، أحمد الغزالي، طارق رمضان، هاني رمضان، كويسان، أحمد مختار، عمر الأصفر، ومن حولك ممن لا أعرف أسماءهم في بلجيكا هم كثر. وهؤلاء في الحقيقة tous ces noms que tu as entendu, frère en Allah, Azza wa Jal, et certains dont je n'ai pas cité le nom parce que je ne les connais pas, ils sont nombreux. Et en réalité, ces gens-là ne sont pas bons pour orienter la communauté, encore moins la communauté en général et encore moins la jeunesse de cette communauté. Parce qu'ils ont beaucoup de déviance avec la voix de leur puiseur, d'Allah Alim. Pourquoi ils défendent Pourquoi ils défendent Hassan al-Banna et Sayyid Qutb? Pourquoi ils défendent le groupe d'Yel Jama'at, l'Ikhwan, alors que le mashaykh, les grands mashaykh de notre siècle, Ibn Baz, al-Albani et autres, rahmatullahi alayhim, wa hafidallahu al-ahya, ont montré les graves erreurs qu'il y a à ce groupe. Et dont certains parmi ceux que nous avons cités, ils ont des catastrophes dans leurs dogmes, comme Saïd Houa au niveau des dogmes. Et ceux qui sont sur la même voie que lui. فهذا سعيد حواء كان قد أصابنا في أول الكتاب بمصيبة التصوف فها هو في هذه الفقرة يصدمنا بهذا الانحراف في الأسماء والصفات. C'est ce que tu as entendu maintenant de Saïd Houa. Nous avions reçu un choc dans ce que nous avons entendu du soufisme de Saïd Houa. Regarde maintenant le deuxième choc que nous recevons de Saïd Houa, sa défiance. Faites qu'il divide la voix de ses pisaïlun en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, et qu'il met en avant la voix d'Yel Asha'ira, d'Yel Maturidiya. Amma al-Ghazali, wa ma adraka ma al-Ghazali, fa innahu yazidu ala kawnihi Ash'ari al-Aqida, annahu yaskharu min Aqidati al-Salaf, wa min al-Shabab al-Ladhina yantamuna ilayha, فمن ذلك قوله في كتابه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. وفي هذا الكتاب جرعة قد تكون مرة للفتيان الذين يتناولون كتب الأحاديث النبوية ثم يحسبون أنهم أحاطوا بالإسلام علما بعد قراءة عابرة أو عميقة لعل فيه درسا لشيوخ يحاربون الفقه المذهبي لحساب سلفية مزعومة عرفت من الإسلام قشوره ونسيت جذوره. نسأل الله السلامة والعافية والثبات على منهج السلف حتى نلقاه. كنت يفخرون الله عز وجل لأن دي غران شيوخ ديالهم الغزالي وما أدراك من الغزالي. Ghazali, plus qu'il était Ash'ari, dans l'Aqida, il se moquait du dogme des puzaïrs d'Allah alayhim. Et il se moque de la jeunesse qui se cramponne à la voix des puzaïrs d'Allah alayhim. Dans son livre, Sunna Nabawiya, entre la jurisprudence, entre les gens de la jurisprudence et les gens du hadith. السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. Il dit, dans ce livre, il y a peut-être un comprimé qui est amer pour certains jeunes qui lisent les hadiths du prophète alayhi salam et qui croient que ils ont cerné l'islam avec science après avoir lu une lecture ou là après avoir fait une utile poussée. Et il dit, peut-être que dans cette jura, dans ce comprimé, il y a une leçon pour certains chouyours qui combattent la jurisprudence de l'madhahib, qui combattent l'madhahib pour le profit d'une salafia prétendue qui a connu de l'islam que ses épluchures et il a oublié ses fondements. Ainsi il parle, disons, de science. Ainsi parlent les hommes du hadith du monde contemporain. Hada Sir Ghazali, c'est la tête pensante, c'est le théoricien du groupe. Ndur al-An, Muhammad al-Ghazali wa ma adraka ma al-Ghazali. Wa kalamuhu yubayinu laka anna hada al-rajula yahmilu fi nafsihi ala al-salafiyyati wa al-salafiyyin. Et le Ghazali dont il s'agit maintenant, c'est le Ghazali contemporain. C'est lui qui est avec l'Ikhwan, c'est pas l'ancien. Donc, le Ghazali, Muhammad Ghazali contemporain, et quel Muhammad Ghazali que c'est? Sa parole. كلامه يبين لك أن هذا الرجل يحمل في نفسه على السلفية والسلفيين حقدا وينال منهم. فتأمل هذه الكلمة السلفية المزعومة وهذه كلمة الإخوان في العالم فكل إناء بما فيه ينضخ. فالغزالي تلميذ المدرسة الإخوانية وابن للإخوان تربى في أحضانهم فنشأوه على بغض الدعوة والعقيدة السلفية لذلك سكت 50 سنة وفي آخر حياته انفجر الرجل وألف هذا الكتاب الأبطر السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، وجاء فيه بأعاجيب وطامات نعوذ بالله. فهذا الكتاب خاتمة كتبه بعدما بلغ الرجل 70 سنة أو أكثر إذا به يؤلف هذا الكتاب ليظهر ما عنده وما تحمله نفسه من عداء وبغض لطريقة السلف، نعوذ بالله، نعوذ بالله من الخذلان. وصدق من قال قديما: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. انظر هذه الكلمة من عالم الإخوان لحساب سلفية المزعومة. ما هي السلفية المزعومة يا غزالي؟ ما هي هذه السلفية؟ قال: عرفت من الإسلام قشوره ونسيت جذوره. فهذا كلام خبيث نتن. Maintenant, regardez, Ghazali, qui c'est le Ghazali? La tête pensante d'Yel Ikhwan. Parle du Ghazali contemporain. Ses paroles te montrent la haine qu'a cet homme sur Salafia et sur Salafiyin. Médite sa parole. Cette Salafia prétendue. A'oudou billah. Et ça, c'est la parole qu'utilise l'Ikhwan à travers le monde entier. Car tout récipient va jaillir, va déborder de ce récipient que ce qu'il y a dedans. S'il y a de l'urine, c'est de l'urine qui va jaillir. Du poison, c'est du poison. Du lait, c'est ce qui va jaillir de ce récipient, quand il est plein. Ghazali, c'est l'élève de cette école d'El Ikhwan. C'est un enfant d'El Ikhwan. Il a été éduqué dans le giron d'El Ikhwan. Et ils l'ont éduqué sur le fait de détester la da'wa d'El Salaf. Et de détester l'aqida salafia. C'est pour ça qu'il s'est tu. Hein? Comme il dit ici, Cheikh Abu Malik, le Juhani, Hafidallahu Ta'ala, il s'est tu 50 ans. Et à la fin de sa vie, il a éclaté. Il a ramené ses grandes catastrophes. Nous revenons à Allah Azza wa Jal. Car ce livre, Sunna al-Nabawiyya bayna al-Fiqh wa al-Hadith, c'est l'un des derniers de ses livres. Il l'a écrit alors qu'il a dépassé les 70 ans. Ou plus. Et dans ce livre, il montre la haine qu'il a sur Salafia. Comment il déteste la voix du puiseur, wallah alayhim. Médite cette parole du savant d'El Ikhwan pour le compte d'une Salafia prétendue. C'est quoi cette Salafia prétendue? Et il dit qu'il a connu de l'islam que ses épluchures. Et il a oublié ses fondements. Il y a des épluchures dans l'islam. Tu comprends quand tu entends les jeunes maintenant autour de toi à Bruxelles, dit vous occupez des épluchures. D'où ils la tiennent? Voilà. De leur tête. Ils ne viennent pas du vide. Il n'y a rien qui vient du vide. Du vide. Et ça, c'est une parole impure. C'est une parole puante. De dire islam et de diviser l'islam en épluchures et en fondements. A'oudhu billahi min al-khudlan. Qulto, yaqul al-shaykh النجمي حفظه الله تعالى: وهل في الإسلام قشور؟ إن وصف الإسلام بأن فيه قشورا وجذورا كذب وفرية على الله وعلى الإسلام وعلى من جاء بالإسلام، ويخاف على من يقول ذلك أن يكون قد ارتد عن الإسلام إن كان من جملة أهله قبل هذه الكلمة. ونحن نقول إن الإسلام كله جذور ولا قشور فيه، وحق لا باطل فيه، وصدق لا كذب فيه، ومن زعم خلاف ذلك فهو منافق. الشيخ نجم دونزير جدي: Est-ce que dans l'islam il y a des épluchures? Le fait de décrire l'islam que dans l'islam il y a des épluchures et des fondements, ceci est un mensonge. C'est mentir sur Allah, mentir sur l'islam, mentir sur celui qui a transmis l'islam. Et à avoir peur pour celui qui dit ceci, qu'il n'apostasie pas de l'islam. S'il était parmi les musulmans, avant cette parole. Et il dit, Cheikh Najmi, nous disons que l'islam, tout l'islam, ce ne sont que des fondements, il n'y a pas d'épluchure. L'islam, ce n'est qu'une vérité, il n'y a pas de faux dedans. L'islam, c'est une vérité, il n'y a pas de mensonge dedans. Et celui qui prétend autre que ceci, le contraire de ceci, c'est un hypocrite. Asma al-an, الطامة الكبرى. إن من يزعم أن إطلاق اللحية ورفع الثوب فوق الكعبين وترك التختم بالذهب وسماع القرآن بدلا عن الأغاني وإثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم سواء كانت من الصفات الخبرية كإثبات صفة الوجه والعين واليد والساق والرجل والقدم وغير ذلك، أو من الصفات الفعلية كصفة الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا ثلث الليل الأخير وحديث كشف الساق في عرصات القيامة ووضع الجبار رجله وفي رواية قدمي على النار فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط حسبي. إن من يزعم بأن هذه الأحكام قشور فهو مسعور وعن الخير مبطور. إن الغزالي يحارب العقيدة السلفية في إثبات الصفات حربا عشواء لا هوادة فيها. الشيخ de nous dire que celui qui prétend que le fait de lâcher sa barbe, le fait de relever son tissu comme il est ordonné au-dessus de ses chevilles et le fait de délaisser le fait de mettre une bague en or pour les hommes, hein, le fait d'écouter le Coran, délaisser les chansons, le fait de confirmer les attributs d'Allah Azza wa Jal et de reconnaître Allah Azza wa Jal les attributs avec lesquels il s'est fait connaître et de lui reconnaître ce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a attribué comme nom, que ce soit les attributs au niveau comme les attributs du visage ou de la main ou du tibia ou du pied ou etc. Tout, ou que ce soit les attributs actes qui sont le fait l'istiwa, l'élévation au-dessus du trône, le fait de descendre au dernier ciel, au ciel de la vie, le dernier tiers de la nuit, et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala dévoilera son tibia le jour de la résurrection, hein, dans Arasat yawm al-qiyama, et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala posera son pied sur l'enfer, et l'enfer va commencer à se refermer sur lui-même, et il va dire ça suffit, et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, hein, le fait de prétendre que ses jugements, c'est des épluchures. Celui qui dit ça, c'est quelqu'un d'enragé. Il est loin du bien. C'est quelqu'un qui est enragé, qui est loin du bien. Le Ghazali dit, Cheikh Najmi, combat l'aqida salafia, et combat le fait d'approuver, de confirmer à Allah, Azza wa Jalla les attributs, une guerre sans cesse. Il a fait une guerre à l'aqida salafia sans cesse, comme il dit Cheikh Najmi, hafidhahullah ta'ala. وإن عمر التلمساني يقول في كتابه بعض ما علمني الإخوان المسلمون عند قوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه فقال وإن هذه اليمين التي تشير إليها الآية الكريمة هي التمكن سبحان الله من طي السماوات أي القدرة التي تفعل ما تشاء كيف تشاء عندما تشاء وهذه عقيدة الأشاعرة أي عقيدة التأويل كذلك إسماعيل الشطي قال وهو يتحدث عن العقيدة لا أدري كيف أثبت لله يدا حكى ذلك عنه وعن التلمساني العجمي في كتابه وقفات عمر التلمساني يدي دون سون ليفر certaines choses que m'ont appris l'ikhwan ils auraient dû pas te les apprendre t'aurais été tranquille dit en ce qui concerne et les cieux seront pliés à la droite d'Allah il dit cette droite le verset fait allusion à la puissance d'Allah Azza wa Jal, comme quoi Allah Azza wa Jal il peut plier les cieux. A'oudou billah. Il peut les plier comme il veut, que c'est une puissance qui fait ce qu'il veut, quand il veut. Voilà. Regardez comment il a détourné le sens du verset. Et ça c'est l'aqida d'Al Asha'ira. L'aqida qui déforme les sens, qui donne d'autres significations. Ainsi il a dit Ismaïl Shatti, qui était le président du journal, le Mujtaba. Hein? Il a dit, en parlant de la Aqida, il dit, je ne sais pas comment confirmer Allah, subhanahu wa ta'ala, la main. Tu sais pas. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il sait, il nous l'a appris. Les compagnons l'ont su. Ils nous l'ont transmis comment il faut confirmer la main à Allah, azza wa jalla. Je voulais reconnaître Allah, azza wa jalla. Hein? Sans lui faire de ressemblance. Comme il sait à la grandeur d'Allah Azza wa Jal, et point final. Et tout ceci a été rapporté par l'Ajmi dans son livre Waqafat. إسماعيل الشطي أخ الإسلام كان رئيس تحرير مجلة المجتمع الكويتية، ومن حولكم من يمدحون هذه المجلة، وهي مجلة الإخوان المفلسين، ويكتب على غلافها مجلة المسلمين في العالم. ولا ولكي يوافق الخبر الخبرة نضيف إليها كلمة مجلة الإخوان المفلسين في العالم. لو كانوا ناصحين صادقين لا ضافوها وراحونا وتركوا الغش للأمة عامة وللشباب خاصة. إسماعيل الشطي nous avons entendu le nom ici qui ne sait pas comment reconnaître la main Allah. Alors que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam reconnaît la main Allah Azza wa Jal, comme ici à la grandeur de Allah Azza wa Jal, les compagnons ont fait de même, les puiseurs d'Allah alayhim ont fait de même. Ismaël Chetti avait été le rédacteur en chef de la revue La Société Kuwaitienne, le Mujtama, la revue Le Mujtama, qui était du Koweït. C'est quelque chose qui s'est dit au Koweït. Et c'est une revue d'Yel Ikhwal Mouflissin. Et sur la page, la première page, on l'est, Majallat, le magazine des musulmans au monde. S'ils étaient véridiques, ils auraient dû écrire. Non, pas comme ça. Pas trahir la communauté. La revue des frères musulmans dans le monde. Comme ça, ils sont clairs. Ils trahissent pas la communauté. Ils trahissent pas cette communauté. La revue, c'est une revue qui est, dont les idées qu'ils véhiculent, ce sont des idées d'Ikhwan. Pourquoi trahir la communauté et dire la revue des musulmans dans le monde? Là, il faut dire la revue des frères Mouflissoun, des Aiguanes dans le monde. Point final. Comme ça, c'est clair. فهذا تحرير فهذا رئيس تحرير مجلة من مجلات الإخوان جهمي يقول أنا لا أعرف كيف أثبت لله إذن يا من تقول لنا أن الجهمية لا يوجد ها هو أمامك جهمي لا يعرف كيف يثبت لله إذن إن لم تعرف أنت فالرسول صلى الله عليه وسلم عرف وآمن بذلك وعلمه الصحابة والصحابة آمنوا به وعلمه التابعون والتابعون عرفوه وبلغوه وآمنوا به والأمة قد عرفت ذلك وهؤلاء لجهلهم لا يعرفون سبحان الله ولقد رد عليه المشايخ على هذا الباطل فهذا من المنظرين عندهم ومن أقلامهم أخ الإسلام. Et donc, هذا le président, هذا le chef de, comment j'ai dit, Tahrir. Tahrir, le chef de l'édition, celui qui est à la tête, le rédacteur en chef, Akhal Islam. Hein? Il dit, il a une aqidah de Jahmiya. Moi, toi, tu me dis maintenant qu'il n'y a pas de Jahmiya. Ah, ouais, il ne sait pas reconnaître comment confirmer la main à Allah Azza wa Jal. Ah, c'est une façon de faire de Jahmiya, Akhal Islam. On lui dit maintenant, si toi tu ne sais pas, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a su, et il a cru, et il l'a enseigné à ses compagnons. Ses compagnons ont cru, on l'a enseigné à leurs successeurs, et ainsi de suite jusqu'à la fin des temps. La communauté le sait. Mais ceux-là, par leur ignorance, ils ne savent pas, subhanallah. Et les mashayikh ont répliqué à la sénilité de cet homme. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala les récompense, parce que celui-là, c'est l'une des têtes, c'est un de leurs écrivains. Hein? C'est une tête pensante chez eux. Hein? Un théoricien parmi leurs théoriciens. Et pourtant, ceux qui sont autour de vous, ils disent de cette revue que c'est une bonne revue. Oui, c'est une revue d'Yal Ikhwan, mais c'est une bonne revue. C'est une revue d'Yal Ikhwan. Ben pourquoi c'est une bonne revue? S'il est une revue d'Yal Ikhwan, c'est pas une bonne revue. Point final. Ça s'arrête là, Akhil Islam. Pas s'amuser avec l'esprit de la communauté. Amma Sayyid Qutb. وما أدراك ما سيد قطب يقول الشيخ أما سيد قطب فإنه كثيرا ما يميع القضايا العقدية تمييعا قد يصل إلى حد التشكيك أحيانا فانظر إليه يقول في تفسير الظلال على آية الطلاق الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن قال والسماوات السبع لا علم لنا بحقيقة مدلولها وأبعادها ومساحاتها الله أكبر سبحان الله ويقول في تفسير سورة النبأ وبنينا فوقكم سبعا شدادا قال والسبع الشداد التي بناها الله فوق أهل الأرض هي السماوات السبع والطرائق السبع في موضع آخر والمقصود بها على وجه التحديد يعلمه الله فقد تكون سبع مجموعات من المجرات وهي مجموعات من النجوم قد تبلغ الواحدة منها 100 مليون نجم وقد تكون السبع المجموعات هذه هي التي لها علاقة بأرضنا أو بمجموعتنا الشمسية. كنت سيد قطب ها؟ وعليكم السلام. السيكي سيد قطب شي الإخوان ها؟ السيكي سيد قطب دور الموند ها؟ تلتوش تتومب. Beaucoup, hein, il ramène des fausseries dans ce qui concerne l'aqidah. Et des fois, à tel point, certaines interprétations de Sayyid Qutb dans l'aqidah ramènent au doute. Regarde, par exemple, dans l'interprétation du verset dans Surat Talaq, Allah qui a créé les 7 cieux, et comme exemple, les 7 cieux, 7 terres, et les ordres de l'Azza wa Jalla descendent entre eux. Entre les 7 cieux et les 7 terres. Il a dit, les 7 cieux, on ne sait pas leur réalité et on ne sait pas ce que ça veut dire. On ne sait pas leur superficie et leur distance, etc. On ne sait pas leur réalité. C'est pas ce que ça veut dire le ciel, hein? Et dans Surat Naba, il dit, le verset nous dit, nous avons construit sur vous, hein, 7 cieux. Il dit, et 7 shidad que Allah subhanahu wa ta'ala a construit sur la terre, sur les gens de la terre, ce sont les cieux, les 7 cieux, ou alors les 7 chemins. Dans un autre passage, regarde la différence qu'il y a dans ces interprétations. Les contradictions qu'il y a entre chaque interprétation. Il dit dans un autre passage, est-ce qu'il est voulu, hein? En réalité, sauf Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Ça peut être les 7 galaxies, l'ensemble des 7 galaxies. Ça peut être l'ensemble des étoiles, qui dans un ensemble peut arriver à 100 millions d'étoiles. Ça peut être les 7 groupes réunis. Et les 7 réunis qui ont rapport avec notre Terre, ou avec notre galaxie solaire. واسمع الان كلام الشيخ النجمي يرد عليه. قلت واي تمييع اعظم من هذا التمييع؟ السماوات السبع التي وردت في وصفها احاديث تبلغ حد التواتر ومنها احاديث المعراج التي وصف فيها النبي صلى الله عليه وسلم السماوات وانه وجد في كل سماء بعض الانبياء ويقول عن الاستواء في تفسير سوره الحديد في قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش. اما الاستواء على العرش فنملك ان نقول انه كنايه عن الهيمنه على هذا الخلق. استنادا إلى ما نعلمه من القرآن عن يقين أن الله سبحانه وتعالى لا تتغير عليه الأحوال فلا يكون في حالة عدم استواء على العرش ثم تتبعها حال استواء وهذه عقيدة المؤولة الأشاعرة. الشيخ نجم دو نو دير regarde ce tamier, ce grand tamier qu'il fait, les cieux, les 7 cieux, les descriptions sont nous sont arrivés dans les hadiths du prophète avec tawatur, c'est-à-dire des hadiths énormes. Beaucoup de hadiths sont arrivés, et plusieurs par plusieurs chaînes, et par plusieurs bonhommes à chaque étape des chaînes. Hadith d'Yal Mi'raj, l'ascension du prophète alayhi salatu wasalam. Où Rasulullah a décrit chaque ciel. Il nous a dit la description de chaque ciel. Hein? Il nous a dit dans un hadith, il y a la distance qu'il y a dans chaque ciel. Hein? 500 années de marche entre chaque ciel. Entre la terre et le ciel de la vie. Il y a 500. Et ainsi de suite jusqu'à. Et oui, non, on ne sait pas. Rien. On ne sait rien. Alors que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a transmis, en ce qui concerne le ciel, des hadiths qui sont nombreux. Ils rapportés par des chaînes de transmission à chaque étape de la chaîne par plusieurs personnes. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'à chaque ciel, il a trouvé un prophète, alayhi salatu wasalam. Et le prophète lui a parlé. Et il dit de l'istiwa, dans Surat al-Hadith, c'est le prophète qui dit de l'istiwa, celui qui a créé les cieux et la terre, et en ces jours, il s'est établi sur son trône. Il s'est élevé au-dessus de tout sur son trône. Il dit, quant à l'istiwa sur le trône, nous possédons à dire que ceci veut dire mettre la main dessus. Et ceci est faux. C'est-à-dire, par rapport à ce que nous connaissons de le Coran, c'est mettre, ça veut dire mettre la main dessus. Hein? Regardez. Et ça, c'est le dogme de l'Asha'ira, comme nous l'avons vu hier. L'istiwa, c'est s'élever au-dessus de tout. Hein? Et regardez cette interprétation qu'ils ont fait, Qutb. والآن قطب رمز من الرموز النجم الكبير آيتهم كأنه نزلت فيه آية في القرآن تقول لا يتكلم أحد عن سيد قطب عليه هالة وقداسة عجيبة نعوذ بالله من الخذلان ومن الخداع وكلامه هنا هو على هو عين كلام المستشرقين وليس بكلام أهل العلم فهل هذا الكلام الذي سمعتم يصدر من رجل سلفي صاحب سنة وعقيدة سليمة يقول عن الاستواء أنه كناية عن الهيمن على هذا الخلق فهنا سيد أتى بعقيدة الأشاعرة إلا أنه غير اللفظ فقط نو ce passage concerne l'emblème des emblèmes ديال الإخوان et ديال les divisés dans le monde entier, que ce soit les Qutbi ou les Takfiriyin. L'emblème des emblèmes. L'étoile par excellence, qu'il ne faut pas toucher. Comme si dans le Coran, nous avons un verset, il ne faut pas parler de Sayyid Qutb. Ils l'ont entouré d'une majesté, ils l'ont enlevé à des degrés. Sallallahu subhanahu wa ta'ala, salam wa l'afir. Et ça, c'est trahir la communauté. Et trahir la jeunesse musulmane. Et jouer avec l'esprit des jeunes. Et la parole de Sayyid Qutb, dans les descriptions qu'il nous a données sur les sept galaxies, etc., ça va de pair avec la parole des orientalistes. Ce n'est pas une parole d'homme de science, de la législation. Est-ce que ce genre de parole émane d'un homme salafi, de quelqu'un qui a été nourri par une aqida salafia, qui a été éduqué sur la sunna, et qui a reçu un dogme authentique et avenant? Il dit de l'istiwa, mettre la main dessus, prendre le pouvoir dessus. Subhanallah. Prendre le pouvoir sur cette créature. Ici, Sayyid Qutb, il est en train de confirmer la aqidah de l'Asha'ira. Tout simplement, il a changé le terme. L'Asha'ira, il dit, à l'istiwa, yani l'istila. Ou il dit l'istiwa, l'haymana. Mais ça veut dire la même chose. C'est un synonyme qui veut dire la même chose. قال الأشاعرة الاستواء والاستيلاء قال سيد هو عبارة عن الهيمنة على الخلق والمعنى واحد وهنا فقط غير الشكل نعوذ بالله ثم يأتيك سلمان العودة عفى الله عنا وعنه ويقول عن سيد قطب إنه إمام هدى كيف يكون إمام هدى كيف يكون سيد إمام هدى وهو رجل ما فهم العقيدة السلفية الرجل تخبط خبط عشواء في تفسير آيات الصفات فبأي حق يا سلمان تعطي هذه الإمامة لسيد قطب إنا لله وإنا إليه راجعون وهذه صدمة شديدة أصابت الشباب من كلام سلمان أمر عظيم كيف الأشاعرة الزندي الاستواء سبدير الاستيلاء مدخل من دسو سيد قطب لا شانجي الاكسبرسيون إلا دي سي L'istiwa, ça veut dire prendre le pouvoir sur la créature, mettre la main dessus sur la créature. Mais la signification est identique. Il y a la différence juste dans l'expression. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Mais après, tu entends Salman al-Aouda de dire que Allah subhanahu wa ta'ala, le guide, et le fasse revenir à sa raison, il dit, Sayyid Qutb, c'est un imam de guider. C'est l'imam de la guider. Comment, ya Salman? Comment tu peux faire de Sayyid un imam de la guider? Alors que c'est un homme qui n'a pas compris le dogme d'épuiser d'Allah alayhim. C'est un homme qui a pataugé, dans l'interprétation des versets des attributs d'Allah Azza wa Jal. avec quel droit Ya Salman tu lui donnes le titre d'imam? Comment tu peux lui donner? Et ça, c'est un grand choc, car aussi la communauté musulmane et les jeunes de la part de Salman. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Sallallahu subhanahu wa ta'ala salama wa al-afiyah. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yaqina sharra al-fitan ma zahara minha wa ma batan. Nous arrêtons là, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صل اللهم وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم واحسن الله اليكم وجزاكم الله خيرا